peu cher. Non, je t'entends pas. Je sais pas ce que tu branles, mais j'ai pas ton son. Petit con. Ah, si, ça y est. Attends. Si, c'est bon, vas-y, je t'entends, là. We'll be right back.